Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Quand le Moyen-Âge nous donne des leçons de tolérance, avec une remarque liminaire et quelque peu intolérante, en tout cas intransigeante, bannissons le terrible adjectif moyenâgeux dès qu'il s'agit de qualifier un millénaire de notre histoire, un peu comme cette héroïne proustienne qui regarde amusée une décoration d'époque. Swann ne put arriver à lui faire dire quelle était cette époque. Pourtant, après avoir réfléchi, elle répondit que c'était moyenâgeux. Elle entendait par là qu'il y avait des boiseries. Médiéval, voilà l'adjectif qu'il faut utiliser. L'occasion d'échanger avec des moyenâgistes, qui, selon Littré dans son dictionnaire, sont les amateurs du Moyen-Âge, ceux et celles qui s'occupent d'étudier le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, quand on demande à de jeunes personnes à quel siècle elles auraient aimé vivre, bah quelle place pour le Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a une époque du passé à laquelle tu aurais aimé vivre? Oui, au Moyen-Âge. Oui, moi j'aurais bien aimé. Par exemple, vivre l'époque du romantisme, j'aurais bien aimé. Oh, je ne crois pas, non, à part peut-être, je sais pas, l'époque de l'Empire romain, peut-être. Toutes les époques sont des époques de progrès, il y a une certaine évolution. Enfin, j'aurais bien aimé vivre au temps des seigneurs, quoi, parce que c'est un vieux rêve que j'avais. Non, moi j'aurais voulu vivre au 18e siècle. Pourquoi ? À cause des libertins. Ben voilà, la réponse est évidente en 1966 pour ce micro-trottoir. Êtes-vous heureux de vivre au XXe siècle? Bonjour Emmanuel Tixier-Duménil. Bonjour. Nous évoquons cette notion de tolérance appliquée au Moyen-Âge. Et peut-être avant toute chose, ben, il faut remettre les choses en place, évitons les anachronismes. Est-ce que la notion même de tolérance existe au Moyen-Âge? Eh bien non, elle n'existe pas, c'est évidemment anachronique. Elle apparaît véritablement dans la langue française au moment des guerres de religion. Il faut bien tolérer les protestants, accepter que ces mauvais sujets religieux puissent quand même être de bons sujets politiques. Et donc, on les tolère comme on tolère une rage de dents. Et ce n'est que au fil du temps que la notion de tolérance a acquis cette valeur très positive que nous lui connaissons depuis le XVIIIe siècle, qui est celle de l'acceptation de l'autre à égalité. Mais cela ne veut pas dire que, par le passé, il n'y avait pas acceptation de l'autre. Non, ça veut dire pas... Effectivement, il y avait de toute façon coexistence, et le plus souvent coexistence pacifique, notamment dans le cadre de l'Empire islamique et d'Al-Andalus, dont j'imagine que nous reparlerons, mais ça ne s'appelait pas la tolérance, le concept n'existait pas. Mais on a tout à fait le droit de poser des questions anachroniques à l'histoire. Hein. Mais c'est important parce que c'est ça qui fait avancer la pensée, la recherche avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Martin Aurel, bonjour. Bonjour Xavier. Cette idée de tolérance appliquée au Moyen-Âge, alors anachronisme évident, mais vous aussi vous dites tiens c'est intéressant, ça peut permettre de faire avancer une réflexion sur cette longue période. Oui, c'est vrai que la notion est tout à fait moderne, contemporaine, et Emmanuel l'a très bien exprimé. En même temps, il y a ce savoir vivre ensemble, non pas des individus mais de communautés. Peut-être nous sommes devenus une société qui a beaucoup de qualités sur le plan de liberté personnelle, de pouvoir mener sa propre vie comme on l'entend. Le Moyen-Âge est une société qui intègre, qui insère les personnes dans des groupes sociaux, que ce soit la famille, que ce soit la corporation professionnelle, que ce soit le statut social qui est le vôtre, la noblesse, la paysannerie, le clergé, et les personnes sont extrêmement solidaires. Mais en même temps, ils savent qu'il y a à côté d'elles des communautés différentes, y compris des communautés religieuses autres. L'exemple d'Al-Andalus est frappant, puisqu'il y a la coexistence des trois monothéismes, mais en Occident aussi, les communautés juives ont été toujours acceptées, tolérées, même si le mot n'existe pas, évidemment. Oui, on parle de coexistence, donc on l'a bien compris. Hein. Tolérance, anachronisme, coexistence, pourquoi pas. Emmanuel Tixier-Duménil, on peut malgré tout dire que dans une lecture tardive sur le Moyen-Âge, alors là, il y a l'idée d'intolérance. Hein. C'est une image qui s'est construite autour du Moyen-Âge. Période d'intolérance. Période d'intolérance, parce que période où les pouvoirs religieux étaient certainement peut-être plus importants qu'à la période moderne ou contemporaine, mais là aussi on projette des choses souvent fantasmées. Une période d'intolérance, mais l'intolérance médiévale n'est pas plus juste que la tolérance médiévale. Dans les faits, on revient toujours à une analyse politique de sociétés qui sont multiples. qui peuvent être diverses d'un point de vue confessionnel, qui sont diverses d'un point de vue politique, d'un point de vue ethnique. Et c'est précisément cette coexistence, cette articulation, le fait que ces groupes font société ensemble, qui est intéressant pour l'historien et l'historienne. Martin Aurel, la même chose. Hein, l'idée d'intolérance qui est accrochée, mais de manière violente au Moyen-Âge, ça c'est quelque chose que vous vivez, vous, en tant que médiéviste. Vous êtes professeur en histoire médiévale à l'Université de Poitiers. Absolument, on a toujours ces retours. Vous avez très bien fait de commencer l'émission par cet adjectif de tous les dangers qui est moyenâgeux. C'est sûr qu'un professeur voit ses poils s'hérisser quand il est question dans une copie de moyenâgeux et pas de médiéval, qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus scientifique. Mais j'aimerais aussi revenir sur cette idée d'intolérance. En fait, les sociétés modernes, très souvent, sont beaucoup plus intolérantes. Je suis à Poitiers, la ville de Michel Foucault, qui a écrit un très beau livre autour du grand renfermement à l'époque classique, au XVIe, au XVIIe siècle, a fortiori. Et là, il y a une volonté de rejeter le fou, le malade mental, de rejeter l'autre aussi, et de l'enfermer. Et je pense que les communautés médiévales intègrent beaucoup mieux ces individus. Et cette évolution dans la modernité tient beaucoup à la croissance de l'État, l'État de type moderne. Là encore, il nous a beaucoup apporté, évidemment, mais c'est aussi un Léviathan, un monstre qui broie les solidarités traditionnelles et qui cherche une unité religieuse autour de l'unité politique et aussi l'unité mentale, très souvent exigeante, et qui est à l'origine, je ne sais pas moi, de la chasse aux sorcières ou de la Saint-Barthélemy. C'est des choses qui ont peut-être existé au Moyen-Âge, mais pas à une échelle aussi grande qu'au XVIe, au XVIIe siècle. Oui, avec une omniprésence de la religion, faut le dire, parce que ce n'est pas la société et la religion à côté, c'est que tout est religieux. On parle de vocabulaire avec moyenâgeux médiéval dans les 10 idées reçues sur le Moyen-Âge. C'est votre ouvrage, Martin Aurel. Il y a sur la couverture comme une bande filante avec des adjectifs. Alors nous avons ignorant, immobiliste, inculte, obscurantiste, colonisateur, sanguinaire, oppresseur, misogyne. Alors, mais c'est vrai que une lecture aussi sombre du Moyen-Âge, Emmanuel Tixier-Duménil, a une construction historique. Comment cela s'est mis en place peu à peu? Pourquoi y a-t-il eu à un moment besoin de mettre tous ces adjectifs très sombres à coller au Moyen-Âge? La modernité a voulu très rapidement mettre à distance cette période, cet entre-deux entre les gloires et les lumières de l'Antiquité et puis cette renaissance, notamment par la redécouverte des savoirs antiques. Et on sait que ce terme même de Moyen-Âge en lui-même est absolument pas neutre. Un âge moyen qui durerait 1000 ans, c'est quand même un petit peu long. C'est comme s'il ne se passait rien, comme si c'était un temps suspendu. Or, c'est précisément un fantastique laboratoire du politique, du social, de l'économique, du religieux. Et effectivement, il est assez compliqué enfin, c'est toujours passionnant de faire l'historiographie et de voir l'importance qu'on a accordée au Moyen-Âge depuis le XVIe siècle. Le XIXe siècle prétend, à juste titre, redécouvrir peut-être plus scientifiquement les sources et les textes du Moyen-Âge, les interprète pas exactement de la même façon que nous, mais ça permet aussi de montrer qu'il y a toujours un intérêt pour le Moyen-Âge, quelles que soient les époques. Avec un moment particulier et un lieu particulier, c'est l'Andalousie. Savoir et pouvoir en Andalouse au XIe siècle, c'est votre ouvrage, Emmanuel Tixier-Duménil, publié au Seuil. Parce que c'est vrai que c'est souvent présenté, ce moment-là, comme la synthèse d'une coexistence pacifique. Mais l'histoire, c'est de la nuance. C'est pas trop difficile pour vous, en voulant contrer sans cesse cette idée d'une harmonie, de vous voir opposer l'idée. Mais non, mais alors vous dites oui, c'est une coexistence. Mais on vous dit mais non, c'était pas une coexistence. Enfin, c'est un va-et-vient sans cesse et c'est complexe parce que c'est tout en nuance. C'est extrêmement complexe, mais à partir du moment où les polémistes se sont emparés de cet épisode andalou, précisément pour montrer que l'Andalous n'a pas été tolérante, qu'il n'y avait pas de coexistence pacifique, et que ces polémistes le faisaient généralement au nom de l'histoire, au nom des textes historiques, et pour déconstruire ce qu'ils présentaient comme un mythe, je me suis dit que l'historien ne pouvait pas rester en dehors de ce débat, et qu'il était important de réintroduire une analyse historique, de réintroduire des textes, de montrer aussi comment, très souvent, dans les polémiques, chez les polémistes actuels, enfin, extrêmement fréquemment, à la droite, à l'extrême droite, on a des sortes de charges absolument terribles contre Al-Andalus, en montrant que cette coexistence était totalement un mythe. Évidemment, pour montrer que l'islam n'a jamais pu être tolérant et qu'il ne le sera jamais, avec des comparaisons totalement anachroniques. On compare à l'Andalous, au Liban, au moment de la guerre civile, ou alors où on dit qu'il était question d'une sorte d'apartheid. Et donc, l'historien ne peut pas rester à l'écart de ce débat, parce qu'il y a une instrumentalisation de l'histoire. Donc moi, j'ai voulu à la fois revenir sur l'histoire de ce terme de la tolérance, pour voir qu'il n'existait pas au Moyen-Âge, mais en même temps montrer qu'il y avait une coexistence et que c'était structurel des sociétés médiévales, notamment dans l'Empire islamique. Après, il est tout à fait intéressant de savoir pourquoi c'est Al-Andalus qui a cristallisé, qui est devenu d'une certaine façon le paradis de la tolérance. Alors peut-être pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un morceau d'Europe, comme si finalement la coexistence pacifique n'avait pu exister que dans ce morceau d'Europe qui fut un temps aux morts. Peut-être aussi parce que son histoire est close et que c'est beaucoup plus facile de projeter des fantasmes, des réappropriations mémorielles. Et d'autre part, certainement parce que les gens ont une profonde méconnaissance du reste du monde islamique. Or, on cohabitait exactement de la même façon à Damas, qu'à Cordoue, au Caire ou dans les autres villes du monde islamique. Ça s'appelle tout simplement l'Empire islamique, où les chrétiens, je le rappelle, ont été majoritaires jusqu'au XIe siècle. Les conquêtes islamiques n'ont jamais été des guerres de conversion. Donc, la coexistence entre les religions, c'est juste le fait même d'exister en société au sein de l'Empire islamique pendant toute la période médiévale. Une réflexion qu'on peut étendre sur un territoire beaucoup plus vaste. Martin Aurel, cette notion de coexistence des sociétés, nous avons évoqué les juifs, on pourrait parler des juifs, mais avec toujours cette subtilité. Nous parlons de 1000 ans d'histoire. On ne peut pas parler de 1000 ans d'histoire d'un bloc. Et c'est le cas des relations qu'il peut y avoir entre les chrétiens et les juifs. Oui, il y a des allées, des retours. Et comme Emmanuel le disait très bien, il ne faut pas idéaliser un monde. Il ne faut pas le dénigrer non plus. Ni légende noire, ni légende dorée. L'historien est dans la nuance. Et effectivement, cette capacité des gens du Moyen-Âge à respecter l'autre est intacte. Déjà, le terme Moyen-Âge est un terme qui a été créé par les médiévaux eux-mêmes, par les intellectuels qui se remettaient en cause. C'est un terme qui apparaît autour de 1300, 1200, Saint Bonaventure, qui regrette que la pauvreté se soit perdue, primitive, des premiers chrétiens. Mais il dit, c'est moyen, une période moyenne, nous les franciscains, avec le retour à une vie austère, à la mendicité, à l'abandon de toute propriété, nous allons restaurer cette période glorieuse. Mais là, entre les deux, il y a une période médiocre, moyenne. Et donc, et cette idée de période sans envergure fait qu'on puisse coller effectivement des étiquettes sur l'intolérance, notamment. Al-Andalus est un très bel exemple de cette coexistence, et puis aussi des échanges. Rappelez-vous que le premier troubadour connu, qui nous a laissé des œuvres, donc qui était couché par écrit dans des manuscrits, Guillaume IX, duc d'Aquitaine, a beaucoup voyagé à l'Andalus. Il était en contact avec l'émir de Saragosse. Il a été donc à sa cour où il a écouté des très très grands poètes en langue arabe, comme l'aveugle de Tudèle. Et quand il est revenu dans son Aquitaine natale, il a amené avec lui des chanteurs, des chanteuses, et il a repris, par exemple, les rimes, les mélodies qu'il avait entendues à l'Andalus, dans ce monde oriental, et même aussi un certain nombre de thèmes amoureux qu'il a appliqués dans sa poésie. Donc c'est significatif aussi de ces échanges qui pouvaient exister entre le monde arabe, sa culture extrêmement riche, et le monde occidental latin, qui n'était pas du tout hermétique, fermé à d'autres civilisations. Emmanuel Tixier-Duménil, mais oui, Martin Aurel a raison, cette porosité, ces échanges. Nous sommes victimes de la cartographie avec un monde musulman de l'islam qui s'arrête à un endroit bien précis en Andalousie. Puis on met des couleurs différentes pour bien montrer les oppositions. Mais non, tout cela est extrêmement poreux. tout ça est extrêmement poreux. Puis quand on veut mettre des couleurs et des limites particulières sur un Andalous, c'est compliqué parce que précisément le territoire andalous, c'est-à-dire le territoire qui est à l'islam, le territoire de la péninsule ibérique qui est à l'islam, se réduit comme peau de chagrin. Il va au-delà des Pyrénées au 8e siècle, hein, jusqu'à Narbonne, Nîmes, et puis à la fin du 15e siècle, mais dès le milieu du 13e siècle, c'est juste le royaume de Grenade-Malaga. Donc effectivement, tracer des frontières, c'est toujours un problème. Et puis dans ces espaces même, ce n'est pas l'uniformité avec une religion et une culture. Non, déjà, il n'y a pas une religion. Effectivement, on pense qu'en Andalous, il y a une majorité de chrétiens jusqu'au Xe siècle. Il y a une minorité juive certainement importante, peut-être plus importante numériquement que dans le reste du monde islamique. On a quelques personnages très célèbres, comme le grand médecin et ambassadeur Azdaï Ibn Chaprout, qui meurt vers 970, qui traduit pour le calife Abdelrahman III de Cordoue des ouvrages, hein, l'ouvrage de Dioscoride. Il faut redire quand même que on est avec Al-Andalus dans une sorte de centre impérial quand même. Hein. Cordoue, c'est peut-être 250 000 habitants au Xe siècle. Aujourd'hui, c'est une petite ville assoupie qui a été éclipsée depuis d'ailleurs des siècles et depuis le Moyen-Âge par sa rivale Séville. Mais c'est quand même une des villes les plus importantes de l'Occident. Et l'Occident, c'est un Occident chrétien comme aussi un Occident islamique. Je vous rappelle qu'en arabe, Occident se dit Maghreb. Et donc Al-Andalus, c'est à la fois rattaché à l'autre rive du Détroit, donc au Maghreb, mais aussi effectivement les rapports sont constants et très importants avec les petites principautés chrétiennes qui sont des satellites autour du califat de Cordoue. Petit tour en Andalousie. À Cordoue la musulmane, on doit encore la roue hydraulique essentielle à l'agriculture, les premiers instruments de chirurgie, l'astrolabe et les bases des mathématiques. Une architecture inspirée que des siècles de chrétienté s'approprieront peu à peu. Ainsi du minaret qui surplombe la cathédrale de Séville, ou de l'église, véritablement enchâssée entre les colonnes de la mosquée de Cordoue. Mais de l'ombre à la lumière demeure le joyau, intact, l'Alhambra de Grenade, ses plaisirs, ses jardins. Andalousie juive aussi, aux traces plus rares, dont les astronomes, les médecins, les poètes s'inclinent devant la haute figure du philosophe Maïmonide. Autant d'origines mêlées que l'Espagne a le choix d'accepter aujourd'hui. Mais plus que les pierres ou les livres, c'est encore la musique de l'eau qui rappelle cette histoire parfois oubliée. Tous ceux qui sont venus ici tout à fait au début étaient des gens qui venaient du désert. Et le bruit de l'eau qui coule est vraiment le luxe, le plus grand luxe, la plus grande sensualité qu'on puisse connaître. Et ainsi encore aujourd'hui en Andalousie, il n'y a pas de vraie maison andalouse qui se respecte sans une fontaine qui chante. L'âge d'or d'Andalousie présenté sur Antenne 2 en 1992, Emmanuel Tixier du Ménil, c'est pas mal ça, de mettre l'eau comme élément d'identification. Voilà, c'est cette chose absolument commune. Mais l'Andalousie est associée ici à la notion d'âge d'or. Donc c'est vraiment cela, cette démarche que vous avez adoptée, savoir et pouvoir en Andalous au XIe siècle. Ce n'est ni un âge d'or, ni un mythe absolu où la coexistence n'aurait pas était un fait. C'est simplement porter un regard d'historienne sur ce monde-là, parce que vous êtes prise en fait dans les polémiques du moment, et vous, dans votre recherche, on en est où ? J'utilise pas le mot de tolérance, mais de la coexistence. Elle est pacifique dans cette période-là, au XIe siècle ? Alors, effectivement, comme vous l'avez très justement souligné tout à l'heure, il y a une très longue histoire andalouse entre 711, début de la conquête de la péninsule par les armées islamiques, jusqu'en 1492. Donc il y a évidemment des inflexions qui sont tout à fait importantes. Il y a de fait une coexistence pacifique qui commence à être remise en question à partir du moment où il y a ce qu'on appelle la Reconquista chrétienne, la conquête féodale menée par la Castille et l'Aragon. Et où, progressivement, les chrétiens vont être soupçonnés, les chrétiens d'Al-Andalus, qu'on appelle les Mozarabes, qui sont arabisés, qui sont, pour la plupart, enfin, pour une partie d'entre eux, restés chrétiens jusqu'au Xe siècle, qui pratiquent la langue arabe et qui reconnaissent le pouvoir de Cordoue. Ils vont être progressivement vus comme une cinquième colonne potentielle, comme de possibles traîtres de l'intérieur. Donc, il y a des évolutions à partir du XIIe siècle. Mais jusqu'au XIIe siècle, il est assez clair que les chrétiens représentent la majorité, les juifs étant également assez nombreux, c'est aussi une masse fiscale puisque pèse sur eux un impôt plus important que celui qui pèse sur les musulmans. et que le pouvoir a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait une gestion pacifique de ces sociétés. Je donne toujours cet exemple qui est assez parlant. On a un gouverneur du Bas-Irak au 7e siècle, un gouverneur musulman arabe, qui interdit aux chrétiens nestoriens de se convertir à l'islam parce que ils paieront moins d'impôts et ça déséquilibrera les finances. Donc, il faut se méfier des clichés et des préjugés, et les pouvoirs, qu'ils soient musulmans et chrétiens, d'ailleurs, ne cherchent pas comme premier objectif la conversion des populations, mais plutôt une coexistence pragmatique qui permet à l'État de fonctionner. Bon, alors vous avez convaincu ceux qui considèrent le Moyen-Âge comme une période intolérante et qui vont dire « oui, mais ça ne vaut que pour l'Andalousie médiévale ». Martin Aurel, qu'en est-il dans le reste de l'Europe? Quelle est la relation à l'autre? Alors l'autre, celui ou celle qui a une autre religion, il est rejeté tout de suite? Pas du tout, au contraire, ce qui s'applique à l'Andalou, c'est tout à fait la même situation en Occident chrétien, puisque vous avez la communauté juive. Bien sûr, les nouvelles religions sont toujours rejetées, il y a une méfiance envers l'hérésie qui brise l'ordre religieux, donc l'ordre social, c'est des choses que nous avons du mal à comprendre, mais ce sont des sociétés où le religieux imprègne les structures politique, sociale, économique, profondément. Et bien entendu, il y a le judaïsme, des communautés juives qui, pour des raisons fiscales identiques à celles du monde musulman, sont parfaitement respectées. En particulier, les juifs sont très liés à l'épiscopat. Les évêques, donc, protègent ces communautés qui leur apportent des revenus extrêmement intéressants. Et puis aussi, les intellectuels chrétiens sont fascinés par le judaïsme. Vous avez des exégètes, les spécialistes de la traduction de la Bible, du commentaire de la Bible, avec tous ses sens, allégoriques, spirituels, littérales, qui ont besoin de l'hébreu. Et les grands exégètes du XIIe siècle, Herbert de Bocham, Étienne Harding, sont allés se former chez des rabbins qui leur ont appris les rudiments de l'hébreu pour pouvoir lire la Bible dans le texte original. Quelqu'un comme Saint Bernard de Clairvaux, qui a été extrêmement dur avec Pierre Abélard, ses professeurs très à la pointe des l'école cathédrale des écoles de Paris, eh bien cet homme a tout fait pour que cesse les pogroms en Rhénanie à l'époque de la seconde croisade. Et on a même un témoignage d'un rabbin de Bonn qui dit que il a vraiment compris le christianisme, alors que Bernard dit « tu es un juif, c'est tu es le Christ lui-même ». Voyez donc, chez les intellectuels, il y a un grand respect envers les juifs. Après, bien sûr, il y a des arrière-pensées, c'est dire aussi le juif doit être asservi aux chrétiens. Et si le juif, on le permet, c'est aussi parce que c'est un témoin de la crucifixion, et tout ce qu'il y a dans les évangiles qui racontent la vie du Christ est exact. Il y a des pharisiens, il y a des sadduciens, regardez, ils vivent à côté de nous dans leur ghetto, enfin le mot n'existe pas encore, dans leur kahal, donc il y a des communautés que nous avons avec nous. Après, bien sûr, il y a des allées de retour, il n'y a pas de progrès linéaire, il y a des moments très durs, il y a les pogroms liés à la croisade en Rhénanie au XIIe siècle. Vous avez aussi progressivement l'expulsion des rois forts, à commencer par Philippe Auguste, puis Philippe le Bel en France au XIIe, XIIIe siècle, qui veulent affirmer leur état. Des juifs qui se réfugient dans les états pontificaux ou bien dans la péninsule ibérique reconquise le terme bien sûr, il faut le prendre entre guillemets, par les rois du nord de la péninsule. Et là, il y a les communautés qui sont accueillies jusqu'à cette année de tous les dangers et de toutes les découvertes aussi, 1492 bien sûr, où les rois catholiques conquièrent le dernier bastion, le royaume de Grenade, où ils expulsent les juifs de la péninsule et puis aussi où ils découvrent l'Amérique. Et oui, parce que c'est cette nécessité de synthèse, Martin Aurel, que vous illustrez dans votre propos quand on vous dit « Ah, le Moyen-Âge intolérant, notamment envers les juifs », vous êtes obligé de dire « non, non, non », parce qu'il y a de la tolérance Mais oui, un peu quand même. C'est cet équilibre-là que vous êtes obligé d'adopter sur ces 10 idées reçues sur le Moyen-Âge. Je reprends le titre de votre ouvrage. C'est qu'il ne peut pas y avoir de réponse qui soit toute simple et binaire, oui ou non. Ah, c'est exact. Hein. C'est sûr que parfois on se demande à quoi sert l'histoire, pourquoi on consacre tellement d'heures en collège, en lycée. Ben justement, ça nous apprend à réfléchir sur les sociétés humaines, avoir un sens de nuance, de réalité. On ne peut pas tenir un discours uniforme, unitaire, sur des réalités sociales, politiques, tellement complexes, y compris de nos jours. Donc, comme disait le grand Marc Bloch, vivre le présent pour comprendre le passé, il y a un aller-retour entre ce que nous voyons autour de nous, et l'histoire nous apprend véritablement à avoir un regard plein de nuances, de compréhension sur la complexité de réalités humaines. Oui, parce que c'est ça l'histoire. Quand il est question d'Al-Andalus, c'est d'étudier Al-Andalus tel que cet objet historique se propose au regard de l'historien et particulièrement de l'historienne, avec vous Emmanuel Tixier-Duménil, et puis le mythe. Et puis il y a ce mot politique que vous avez prononcé souvent, en fait cette coexistence que l'on peut associer à Al-Andalus, c'est aussi l'art de la négociation, du compromis, c'est tout en subtilité. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur ce que disait Martin, ce que vous disiez vous-même aussi, parce qu'on peut vous renvoyer la balle aussi. Est-ce que les sociétés modernes et contemporaines sont tolérantes? Où sont les droits de l'homme, etc. C'est facile, hein, de la charge contre le Moyen-Âge, mais on peut parfaitement la retourner contre la période contemporaine. Et si on prend la situation tout à fait particulière des Juifs, le Moyen-Âge a été autrement plus tolérant, effectivement, que le XXe siècle. Pour revenir à cette histoire politique, elle me semble essentielle parce que si on reprend l'exemple andalou, c'est vrai que c'est peut-être plus pertinent de comparer l'histoire d'Al-Andalus à celle du reste de l'Empire islamique que que l'histoire de l'Occident latin. Précisément parce que ces communautés juives, dont a très bien parlé Martin Aurel tout à l'heure, elles sont extrêmement minoritaires également en termes démographiques au sein des sociétés de l'Occident latin, de l'Occident chrétien. Alors que les chrétiens, en tout cas les non-musulmans, sont majoritaires au sein du monde islamique. Donc, de fait, on est obligé d'analyser la façon dont les pouvoirs s'accommodent de ces sociétés et les organisent. Oui, parce que c'est cela. Ce sont des pouvoirs. Il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas une communauté. Et puis, parler du Moyen-Âge, c'est parler, on l'a dit, de 1000 ans d'histoire. Mais c'est aussi faire de la géographie, parce que ce ne sont pas les mêmes situations. Bah, si on se trouve à Cordoue, en Andalousie, à Paris, à Lyon, n'importe où, ou pourquoi pas à Avignon. C'est au XIVe siècle que les papes, désertant Rome et l'Italie, vinrent s'installer en Avignon, amenant avec eux toute une cour joyeuse et bigarrée qui fit d'Avignon, pour 100 ans, une ville heureuse. Ville libre, largement ouverte à tous, qui accueillait avec indulgence les proscrits et les vagabonds, les saltimbanques et les brigands de grand chemin. Ville animée autant que pieuse, où les carnavals succédaient aux processions, préoccupée autant des bals et des chansons que du salut des âmes. Avignon, ville heureuse, accueillante, présentée en 1958 sur l'ORTF. Martin Aurel, c'est ça aussi des idées reçues sur le Moyen-Âge, le piège, c'est de résumer cette longue période en un tout, et puis de résumer cet vaste espace en un tout, comme si c'était partout pareil, alors que c'est très différent. Absolument, vous pouvez pas comparer, je ne sais pas, je prends que des rois, hein. Clovis à Philippe Auguste ou à Louis XI. On est dans des mondes complètement différents, trois grandes périodes. Mais j'ai bien aimé, du point de vue des mentalités des années 50, cette présentation d'Avignon et du Moyen-Âge, finalement. Beaucoup de nos contemporains considèrent que le Moyen-Âge est une période de fête, une période joyeuse, de jongleurs, de saltimbanques. Même, regardez le succès qu'ont ces reconstitutions actuellement, reconstitution dans beaucoup de villages. On prend un temps pour s'habiller de façon médiévale, pour faire des fêtes, des tournois, des spectacles de fauconnerie. Il y a aussi un engouement actuel pour le Moyen-Âge. Nous avons publié un livre aux presses universitaires de Rennes sur ce qu'on appelle le médiévalisme, cette perception que nos contemporains peuvent avoir du Moyen-Âge, du point de vue, avec beaucoup de guillemets, populaire. Et donc, pour beaucoup de nos contemporains, le Moyen-Âge, c'est aussi une période de gouaille, une période de truculence, une période de grivoiserie, de fabliaux, où on peut se rouler dans la boue, où on peut manger avec les doigts. Donc, et c'est très amusant aussi de voir comment ce carnavalesque est souvent associé au Moyen-Âge dans beaucoup de reconstitutions de fêtes que nos contemporains mettent avec beaucoup de savoir-faire et souvent de précision historique sur les vêtements, sur les armures, sur les modes de vie dans beaucoup de villages de nos jours. Et même la reprise de méthodes de construction, vous avez ce site incroyable en Bourgogne, le château de Guédelon, où on a essayé, avec des chercheurs, des archéologues professionnels, de remettre au goût du jour, d'utiliser exactement les mêmes techniques que les constructeurs du Moyen-Âge, les architectes, les maçons, pouvaient avoir et les réutiliser. Donc vous voyez ce texte très amusant que vous nous avez lu sur Avignon. C'est Avignon de la joie, de la fête, est aussi très très prégnant dans les mentalités actuelles ou dans l'idée qu'on se fait du Moyen-Âge actuellement. Les médiévistes face au médiévalisme, et c'est au pluriel, au médiévalisme, hein, c'est l'ouvrage auquel vous avez contribué, Martin Aurel, avec Florian Besson, c'est Actuel Moyen-Âge, Justine Breton et Lucie Malbos, aux presses universitaires de Rennes, Emmanuel Tixier-Duménil. Oui, cette joie, cette fête, bien sûr, parce que ben, les gens sont vivants, et les gens, je pense, hein, globalement, sont en recherche de moments agréables. Alors, il y a cette fête médiévale, et puis il y a ce raffinement. Et alors là, pour Al-Andalus, nous avons l'archétype ultime du raffinement. C'est l'Alhambra, c'est là. C'est aussi ce qui fascine, parce que bah, il y a tout ce que l'on peut visiter encore aujourd'hui. Oui, il y a ce témoignage des pierres. C'est peut-être pas pour rien qu'on entendait tout à l'heure dans l'extrait l'évocation d'Avignon, où il demeure aussi ce magnifique palais des papes. Al-Andalus sont d'abord des monuments, la grande mosquée de Cordoue, qui, sous la plume du géographe Al-Idrissi au XIIe siècle, est censée être la plus belle mosquée de l'ensemble du monde islamique. Et puis, c'est bien sûr le raffinement des palais de Grenade, un art de vivre magnifique, une sorte aussi de métaphore du paradis. Et les palais de Grenade sont les plus beaux palais arabes du XIVe siècle qui nous soient parvenus parce qu'ils ont été les trophées des vainqueurs et qu'ils ont été en quelque sorte gelés dans leur état, dans leur architecture du XIVe siècle et transmis jusqu'à nous. Vous avez de très beaux palais au Maghreb, mais qui ont été sans cesse remaniés, restaurés au fil des siècles. Et ceux de Grenade témoignent du raffinement incroyable de l'architecture andalouse, essentiellement du XIVe siècle plus que du XVe siècle, et un temps de crise à Grenade. Mais ce raffinement, je pense, provient aussi d'autre chose, c'est cette culture de la philosophie qui est censée avoir été aussi la caractéristique d'Al-Andalus, de la philosophie, des sciences. Et là, il faut bien comprendre que ces sciences n'ont pas été découvertes en Al-Andalus. Il y a une translation depuis l'Orient, depuis Bagdad, où les textes de la philosophie grecque, de la science grecque, avaient été traduits au IXe siècle. Et c'est parce qu'Al-Andalus appartenait à l'Empire islamique qu'elle a pu bénéficier de cette arrivée des manuscrits et de cette extraordinaire vie intellectuelle qui donne une floraison magnifique au XIe et XIIe siècle. Au XIe siècle, ce sont les très grands poètes, très grands géographes, très grands historiens. Ibn Hayyan est un historien qui dit que, compte tenu de la situation compliquée d'une guerre civile qui déchire le califat de Cordoue au milieu du XIe siècle, il ne lui reste plus qu'à écrire l'histoire et témoigner de son temps. Et puis au XIIe siècle, c'est la moisson philosophique extraordinaire, avec notamment Averroès, Ibn Rushd, qui l'incarne pratiquement à lui tout seul. Martin Aurel. Il y a aussi l'architecture d'Al-Andalus ou de l'Orient qui a fasciné les Occidentaux dès l'époque de l'art roman. L'arc outrepassé est utilisé dans les églises pyrénéennes et puis aussi dans le nord de la péninsule. Il y a chez les chrétiens cet art mudéjar qui reprend des éléments de l'architecture du sud musulman. Et ce qu'Emmanuel a dit sur la réception d'Averroès est extraordinairement vrai. Quand on prend un penseur qu'on a souvent assimilé à l'intolérance, à la dureté, qui est Thomas d'Aquin, qui est un génie de la scolastique, de la dialectique, de l'argumentation. Quand il parle, l'auteur qu'il cite le plus est Averroès, pratiquement. Et il l'appelle le commentateur. C'est Averroès qui a compris parfaitement Aristote, pas les autres. Et il le cite régulièrement. Vous avez, bien sûr, cette arrivée des textes d'Aristote avec les commentaires orientaux en Occident, à partir du XIIIe siècle, de la fin du XIIe siècle, qui a bouleversé notre philosophie, notre théologie. Et tout cela passe par l'école des traducteurs de Tolède, où vous aviez des spécialistes du latin ou des langues romanes, des langues issues du latin, donc le castillan, souvent des mots arabes, hein, ces chrétiens qui avaient vécu dans le monde musulman longtemps, qui savent l'arabe. Et puis aussi, vous avez des juifs ou des spécialistes de la langue arabe qui travaillent dans des ateliers et qui proposent des traductions d'Aristote avec les commentaires orientaux aux universités qui sont en train de naître en Occident. Et c'est une révolution copernicienne. On abandonne d'une certaine façon cette perception très idéaliste, platonicienne de la philosophie pour une vision beaucoup plus réaliste, empirique, terre-à-terre des phénomènes. Et ça va influencer profondément notre pensée, et c'est une forme aussi de modernité. Rien que la redécouverte de la logique d'Aristote, c'est très étonnant. Boèce, un penseur du 5e siècle, dans le royaume ostrogoth, en Italie, avait traduit déjà en latin, du grec en latin. Il faut savoir que le grec n'est pas très très parlé par les latins, par les occidentaux. Il avait traduit la partie logique d'Aristote, mais c'est très curieux, ça a été très peu diffusé. Et à partir du XIIe, XIIIe siècle, à partir d'Al-Andalus, on redécouvre la logique. Donc ça nous donne une rigueur dans l'argumentation, dans le syllogisme, dans la façon d'avancer nos idées. Parce que le Moyen-Âge, chez les intellectuels, est un monde de débat, de discussion. Ça tient aussi à l'oralité. La façon dont les cours se passent, ce sont des lectures de textes, certes, mais l'écrit n'est pas très diffusé encore. Et les étudiants, avec leurs professeurs, parlent, débattent, même pour avoir son titre, sa licence d'enseigner, il faut passer devant un jury où on va argumenter autour d'un point et de façon contradictoire. Donc on est dans un monde qui est très ouvert très souvent. D'ailleurs, on a déjà rayé dans ces 10 idées reçues sur le Moyen-Âge ce côté fanatique, sanguinaire, oppresseur. Là, on vient de rayer obscurantiste, inculte et ignorant, mais voici une invitée qui, elle, ne regarde pas la religion. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Il y a ce soir dans notre studio deux invités. Deux invités, un homme et une femme qui, si nous vivions quelques siècles plus tôt, seraient des morts vivants, totalement isolés du monde extérieur. Ils se déplaceraient la tête recouverte d'un capuchon et agiteraient une crécelle pour signaler leur approche. Ces deux invités, en effet, cet homme et cette femme, sont des lépreux. Et il faut croire que cette grande peur de la lèpre qui nous vient du fin fond du Moyen-Âge n'a pas encore cessé aujourd'hui de hanter l'esprit de l'homme du XXe siècle, puisque vous l'allez voir, l'un de nos invités a jugé préférable de taire son nom et de cacher son visage. Alors que vous et moi, je pense, je crois en tout cas, n'hésiterions pas à dire que nous sommes atteints d'une maladie de cœur ou voire même du cancer. En 1972, les dossiers de l'écran avec la musique qui fait peur et ce fin fond du Moyen-Âge. Martin Aurel, qu'en est-il de regard porté sur l'autre, l'autre malade, en l'occurrence ici nous évoquons la lèpre? Oui, la lèpre, là encore, est quelque chose de très riche du point de vue des perceptions au Moyen-Âge. Il y a un regard positif de la lèpre. C'est une maladie qui apparaît tardivement sous l'Empire romain Et au début du Moyen-Âge, les gens, les lépreux coexistent dans la société avec les autres, en tout cas assez souvent. La vie de Saint-Martin, écrite par Sulpice Sévère, donc on est au 4e siècle, 5e siècle, raconte que il y a un lépreux qui fend la foule pour s'adresser au saint et pour lui demander la guérison, mais il est au milieu de la foule. Progressivement, on a tendance à isoler les lépreux, mais il y a un certain respect. Même les maisons où l'on leur demande de demeurer sont extrêmement religieuses. Hein. C'est presque des couvents où il y a des offices, où il y a aussi des personnes saines qui décident d'entrer pour s'occuper des lépreux, pour prier avec eux, pour participer aux heures avec eux. Et il y a aussi ce regard très curieux qui vient d'une lecture d'un texte de la Bible, le prophète Isaïe. Dans la traduction latine de Saint Jérôme, la Vulgate, le terme, c'est le passage où l'on évoque les souffrances à venir du Christ. Chez ces prophètes, hein, l'homme de douleur, familier de la souffrance, devant qui on se voile la face. Le terme employé sur les souffrances de cet homme de douleur, qui est le Christ en croix, pour la vision chrétienne plus ultérieure, c'est le lépreux, léprosus en latin. Donc il y a l'idée que le lépreux s'identifie d'une certaine façon au Christ. Donc ça, c'est la vision un peu des religieux, des intellectuels, de certaines personnes que nous appellerions appartenant à l'élite. Mais à côté de cela, vous avez aussi une vision beaucoup plus dure, beaucoup plus obscurantiste, si vous voulez, en tout cas, qui rejette le lépreux. Par exemple, dans la légende arthurienne, Tristan est surpris avec Iseult par le roi Marc, donc le roi cocu, trompé par sa femme Iseult. Et pour se venger d'elle, il décide de la jeter aux lépreux. Bon, Tristan arrivera à la sauver, mais c'est l'idée aussi que le lépreux est prisonnier de ses péchés, il est puni pour ses péchés de luxure, en particulier de débauche, qu'il ne peut pas se contenir, etc. Ou bien vous avez aussi dans un roman occitan, le Jaufre, des lépreux qui tuent des enfants pour se nourrir de son sang. Et cette vision-là évolue dans un sens négatif à la fin du Moyen-Âge à cause de l'idée de contagion. Les gens ont pris conscience à partir de 1348, à cause de la peste, qu'il y a des maladies qui se transmettent par contagion. Donc l'idée d'isoler les lépreux, de les rejeter de la société s'affirme aussi. Donc vous voyez là encore, tout est en nuance. Il y a une réception, une acceptation du lépreux. Bien sûr, le cas paradigmatique est celui de François d'Assise, qui dit s'être converti en s'occupant de lépreux, au contact des lépreux, et que ce sont eux qui lui ont appris la pauvreté, le rejet des biens matériels, le souci des autres, alors qu'il était un jeune fils de marchand extrêmement riche, qui menait une vie insouciante, et donc c'est au contact des lépreux qu'il a changé. Et à côté de cela, donc, vous avez une vision très négative qui existe aussi. C'est comme dans toute société, il y a du meilleur et du pire. Car nous voulons la nuance encore par la couleur, rien que la nuance. Verlaine, dites-nous, Emmanuel Tixier-Duménil, là aussi, les questions de représentation. Et Martin Aurel l'a bien dit, la représentation du lépreux évolue. Et dans le cas d'Al-Andalus, ce serait même la représentation de l'islam. Il ne faudrait pas calquer ce que nous avons en tête de l'islam sur cette période-là, le XIe siècle. Est-ce que l'islam est très différent ? Alors, moi, je pense qu'un musulman du XIVe siècle ressemble beaucoup plus à un chrétien du XIVe siècle qu'un musulman du XIVe siècle ne ressemblerait à un musulman du XXIe siècle. Ils ont, dans leur pratique quotidienne, dans leur vie quotidienne, ils sont confrontés à la maladie. Martin, tout à l'heure, évoquait la peste, hein, la mort noire, qui, alors là, ne fait véritablement pas de différence entre les religions, entre les communautés et entre les zones. D'ailleurs, vous avez reçu il n'y a pas longtemps Marie Favreau, et c'est tout à fait intéressant de voir que la peste est le fruit aussi du grand échange mongol. Donc, il y a des circulations, des mondialisations dès le XIIIe siècle. Il ne faut pas attendre le XVe siècle et l'époque moderne pour que tout circule. Bien sûr que l'islam, comme toutes les religions, a une histoire, une évolution, et une évolution qui est une coproduction avec les autres religions. Les autres religions, on voit très bien aussi comment, par exemple, le judaïsme évolue différemment, quand il s'agit de sociétés, de communautés juives qui vivent dans l'Occident latin ou dans le monde islamique. Donc les religions évoluent. L'islam aussi, progressivement, le sunnisme devient plus important en termes de nombre de fidèles que le chiisme. Le chiisme se structure également. Le soufisme, à certains moments, apparaît soit comme une forme d'hérésie, soit au contraire comme le cœur presque du sunnisme. Et on a des souverains pieux, des souverains sunnites qui vont promouvoir le soufisme. Il y a également, évidemment, la confrontation violente et des termes qui émergent, comme celui de djihad, qui est en grande partie aussi réactivé par les croisades. Donc, ce sont des mondes qui sont intimement liés et il y a des co-constructions, à la fois des concepts, des idées, qui circulent autant que les hommes. Oui, parce qu'on ne s'oppose pas à quelqu'un que l'on ignore complètement. C'est pas du tout ça, cette notion de croisade, la réponse avec le djihad. Dans ce monde qui est complexe, j'utilise vraiment le singulier parce que c'est un ensemble, que ce soit ce monde de l'islam ou que ce soit l'Occident médiéval. Nous avons ici des idées reçues. Alors Martin Aurel les étudie dans un ouvrage, mais Emmanuel Tixier du Ménil, vous, la démarche est plutôt de réussir à écrire l'histoire en se départissant de ces idées reçues. Pourquoi avoir fait ce choix du XIe siècle particulièrement? C'est un moment important dans ce monde? Oui, c'est un moment important. En fait, je suis partie de cette interrogation contemporaine. Pourquoi, chaque fois qu'il est question d'Al-Andalus, on nous parle de tolérance? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, au lieu d'écarter le débat en disant que ça n'intéresse pas l'historien, je me suis demandé d'où venait cette association entre Al-Andalus et la tolérance. Et je me suis dit qu'en replongeant dans l'histoire sur la longue durée d'Al-Andalus, cette idée de la tolérance était certainement associée avec le fait qu'Al-Andalus a toujours été vécu comme avait toujours été vue comme une terre savante. Et que il y avait quelque chose qui s'était noué à l'époque médiévale, de la diversité des influences, de la nécessité de traduire des textes, de travailler sur la science grecque, et que cette identité savante de la péninsule dès le Moyen-Âge, qui a été impulsée par les savants andalous, notamment pour se différencier du Maghreb et pour se différencier de la chrétienté, eh bien, d'une certaine façon, la tolérance actuelle, ce concept de tolérance, est le lointain avatar de cette idée d'une péninsule savante et de ce fait ouverte. Donc ça m'intéressait à la fois de retracer l'histoire de ce terme de tolérance, dont nous avons dit qu'il était issu de la modernité, du monde contemporain, mais de voir quelles étaient ses racines médiévales. Et ça permettait à la fois de comprendre ce qui se nouait au XIe siècle, et ça nécessite un détour par l'histoire politique. C'est-à-dire que le XIe siècle, c'est la fin du très puissant, du très glorieux califat de Cordoue, qui va laisser place à une dizaine de principautés sur le territoire andalou. C'est le moment d'une inversion des rapports des forces avec l'Espagne chrétienne, notamment la Castille et l'Aragon, qui commencent à prendre des territoires. Et autant, à la fin du Xe siècle, Al-Mansur, le vizir, l'Al-Mansur, la terreur de l'an 1000 des chroniques chrétiennes, était capable d'aller incendier Saint-Jacques-de-Compostelle et Barcelone, dans les années 990, autant un siècle après, c'est Tolède qui est prise par le roi de Castille. Et ce temps du XIe siècle est un fantastique laboratoire du politique où tout est tenté, ou presque, parce que précisément, il y a un reflux du pouvoir califal, du pouvoir impérial. Et dans ces sociétés qui, à ce moment-là, en Al-Andalus, ont une conscience assez aiguë de leur fragilité, il y a une vie intellectuelle extrêmement foisonnante, peut-être plus importante que quand on écrit sous la dictée du pouvoir. Et cette pluralité des voix et cette extraordinaire richesse intellectuelle, a produit des textes qui nous parviennent et qui nous renseignent sur ce temps extrêmement délicat, qui est un temps de transition et qui est à remettre entre le moment où Al-Andalus est annexé aux empires berbères et le temps en amont de la splendeur du califat. Et puis au XIe siècle, nous sommes juste avant la première croisade, enfin, qui est déclenchée vraiment tout à la fin du XIe siècle. Martin Aurel, sur cette réflexion autour de la tolérance médiévale. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu. Je pensais au XIe siècle aux relations, là encore, des royaumes ou des principautés territoriales chrétiennes du Nord avec ces petits émirats, ces taïfas, comme on dit à l'époque, du sud d'Al-Andalus, dans les archives des comtes de Barcelone. Au dos d'une charte, côté poil, pas côté peau, tannée donc pour écrire, on a retranscrit une lettre que l'émir de Denia envoie à la comtesse de Barcelone, Almodis de la Marche, avec des grands éloges de la part de cet émir. Donc on est dans les relations diplomatiques aussi, bon, un jeu aussi du vocabulaire amoureux dans ce qui est profondément politique. Donc c'est vrai que c'est une période extraordinaire, le XIe siècle dans la péninsule ibérique où les rois du Nord, songez aux Cides aussi, les mercenaires, travaillent très souvent au service des émirs qui se combattent les uns les autres. Donc c'est une période assez exceptionnelle, tout à fait d'accord. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée qu'on puisse se poser des questions très contemporaines, on puisse les poser à la période qu'on étudie au Moyen-Âge, la notion de tolérance, marche-t-elle, ne marche-t-elle pas ? Parce que c'est vrai que beaucoup de nos contemporains ont une vision très fantasmée, par exemple, de l'islam médiéval. Que ce soit dans tous les spectres idéologiques, hein, l'assassin de masse de deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande il y a quelques 5 années avait gravé sur son fusil commando les noms de ceux qui avaient lutté contre le Moyen-Âge, contre l'islam au Moyen-Âge. Pélage à Covadonga, les résistants serbes à la pénétration turque, bien sûr Charles Martel dans la soi-disant bataille de Poitiers. Donc là, et cet homme a commis des assassinats au nom de une vision complètement fantasmée de la résistance, si vous voulez, des chrétiens à l'islam. Mais de l'autre côté du spectre idéologique, à Daesh, en Irak, al-Baghdadi, quand il a proclamé, je ne sais pas quel califat, eh bien, il s'est toujours voulu un homme du Moyen-Âge qui revenait à l'austérité primitive, du désert, du prophète, de Mahomet, qui se faisait représenter d'une façon très simple, juste avec son arme. Donc cette idée aussi très fantasmée d'un islam qui ne peut être que conquérant pour répandre une religion extrêmement austère. Vous voyez, donc face à ces utilisations complètement dévoyées du Moyen-Âge, on peut prendre ces questionnements et les appliquer avec une méthode scientifique, historique, à la période qu'on étudie. Oui, et puis là, nous évoquons surtout la relation de tolérance à l'autre, l'étranger, celui qui n'est pas la même religion dans ses 10 idées reçues sur le Moyen-Âge. Martin Aurel, vous développez en plus toutes ces réflexions sur l'altérité, les relations avec l'autre genre, les femmes, avec les enfants. Pour terminer cette émission, est-ce que l'on pourrait dire que cette notion de tolérance, Emmanuel Tixier-Duménil, aurait tendance à s'amenuir au fur et à mesure que le temps passe et que la période la moins tolérante serait la fin du Moyen-Âge et puis ce qui suit le Moyen-Âge? Oui, peut-être. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus idéaliser le Moyen-Âge et il ne faut pas surtout le dépouiller de sa charge violente, ce qui serait aussi un anachronisme, parce que précisément, on est dans des sociétés pour lesquelles la guerre est aussi un principe de distinction. Ça permet l'émergence de classes sociales qui se battent. La guerre est valorisée, la violence est valorisée. Donc le discours irénique qui consiste à dire que le Moyen-Âge n'est que tolérant, et notamment le Moyen-Âge andalou, est autant une fiction que celui qui consiste à dire qu'il n'est que violent. Après, la violence politique, vous êtes bien placé pour le savoir, après avoir reçu des spécialistes d'à peu près toutes les périodes et après avoir vous-même travaillé sur le 19e siècle, la tolérance, elle est consubstantielle à ces sociétés. Voilà, c'est ça, hein, Martin Aurel. Est-ce qu'on peut dire que l'intolérance et la tolérance sont consubstantielles à toutes les sociétés, que pour le Moyen-Âge, cette longue période, on assiste quand même à un effritement de cette coexistence pacifique, dirons-nous. Martin Aurel. Oui, c'est vrai que c'est une période où la violence existe. En même temps, dans certaines périodes du Moyen-Âge, 11e, 12e, 13e siècle, elle a été cantonnée à l'aristocratie. Des gens qui appartiennent au même groupe social, qui se marient entre eux, qui sont cousins, qui se retrouvent dans deux camps différents,